Salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour ce nouveau top 10 du mois avec Japy. Pour débuter ce top 10 de juillet, les Californiens de Stone Temple Pilots et leur Roll Me Under. Jengar avait été premier du top 10 de mai. On les retrouve ce mois-ci à la 9e place avec leur titre Before Sunrise. If you feel I'm cheated, I'll be Le groupe de rock celtique de Roanne, Selkilt, se place en 8e position avec le titre Live, The Last Day of My Life. 8. Un autre titre en live par les Écossais de Biffy Clyro, Black Chandelier, extrait de leur album Biffy Clyro's MTV Unplugged. 7. I should laugh, but I know I'm a failure in your eyes. I know it's daft, but I guess I know it deep inside. It feels like we're ready to crack these days, you and I. When it's just the two of us, only the two of us, I could die. You left my heart like an abandoned car, old and worn, I no use at all. But I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding nice. But there's a black chandelier, it's casting shadows and lies. Drip, drip, drip, drip. I'll sit in silence for the rest of my life if you'd like. Dressing our wounds with industrial gloves made of wire. And a cute little cup of cyanide. You left my heart like an abandoned car, old and worn, I no use at all. But I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding nice. There's a black chandelier, it's casting shadows and lies. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding nice. But there's a black chandelier. Encore un titre en live par le groupe électro-folk Dog Yope, Lost at Sea, avec une très belle partie de sitar. 6. But nothing that I need. lost at sea. Josiane Clark et Ben Walker nous interprètent Chicago et sont classés 5e de ce top 10. Top 5. la quatrième place, The Hits de Cherbourg nous chante Afraid of Myself. What if I jump? What if my mind's not mine anymore? What if I'm not me? Could it lead me to another seashore? It just takes a step. It just takes a move. It just takes a look or a twitch on the trigger. What if I look at the stars while I'm driving a car? Will I reach the skies earlier? Sur le podium, en troisième position, la Canadienne Amelia Curran avec Gravity. Voices. Banquet est deuxième avec Mind of Man en version live. Et c'est le titre Cheetah Tong de The Wombats qui termine premier de ce top 10 de juillet. One. Crying for you. Well, I'll see you later. I could be